من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc tout d'abord, on souhaiterait remercier tous les frères qui ont fait le déplacement, que ce soit de France ou quel que soit le lieu d'où ils soient venus. On vous remercie d'avoir répondu à cette invitation pour cette première Daoura ici en Angleterre à Birmingham qui va se passer, Inch'Allah, en langue française. Donc les intervenants seront Al-Akh Mehdi Abu Abdirrahman ou Al-Akh Hassan Abu Asma. Tout d'abord, nous avons relevé quelques points très importants lors des conférences d'un livre de l'éminent savant Saleh Al-Sheikh. Donc je pense que chacun a dû recevoir les feuilles. Pour ceux qui n'ont pas reçu les feuilles, on va essayer de voir quelques-uns de ces points. Le premier point que le Sheikh a cité, on souhaiterait que le participant ait l'intention sincère de profiter dans sa religion. Le second point, abaisser le regard lorsque nous marchons dans les lieux publics à tout moment, car l'un des éléments qui assistera l'étudiant dans sa quête de la science est la taqwa. Le troisième point, ce serait donc d'acheter les matériaux nécessaires en ce qui concerne les livres, les cahiers ou tout ce qui va nous aider pour profiter un maximum dans cette conférence. Le quatrième point, ce serait de trouver un groupe d'individus sérieux pour revoir les cours pendant les pauses et pendant la nuit. Donc comme vous savez, la mosquée a la possibilité d'accueillir les frères, mais pas les sœurs. Donc les frères pourront dormir dans la mosquée, mais les sœurs, ce sera un peu plus difficile. Le cinquième point, ne pas se rassembler avec autrui, excepté s'il y a des profits religieux qui y soient mentionnés. Le sixième point, essayer de s'asseoir le plus proche possible de l'enseignant, comme cela est encouragé dans le fameux hadith de Jibril, alayhi salam. Le septième point, si vous vous sentez somnolé pendant les cours, alors changez de place. Le huitième point, en ce qui concerne les sœurs, pour celles qui ont des enfants, elles pourraient donc s'échanger les tours de garde. Par exemple, on prend par exemple quatre sœurs, que l'on va appeler A, B, C et D. Ces quatre sœurs souhaitent donc participer au cours, mais toutes ont des enfants. Elles pourraient donc diviser les cours de la journée. La sœur A prend tous les enfants, pendant que la sœur B, C et D suivent le cours, et ainsi de suite à tour de rôle. Et Inch'Allah, toutes profiteront donc de ces cours. Puis le soir venu, lorsque les enfants sont couchés, toutes les sœurs peuvent se rassembler et partager leurs notes. Des ajustements peuvent être accordés à cette suggestion selon les besoins spécifiques. Le neuvième point, les étudiants devraient revoir les informations enseignées avant de se coucher la nuit, puis au matin. Ceci aidera la personne à se souvenir de ce qu'elle a entendu pendant la journée, et il a été aperçu que beaucoup de gens passent la nuit à parler avec leurs amis, et ce qui est un obstacle et une entrave majeure dans la voie du talib al-ilm, et ce qui est aussi une raison pour laquelle une personne trouve difficile de prier la prière du Fajr en congrégation. Dixième et dernier point que le Cheikh Saleh Al-Sheikh a cité, est que après que la conférence soit achevée et que la personne soit rentrée chez elle, il est important que dans les jours ou semaines à venir, l'étudiant revoie les cours dispensés pendant la conférence. Le cahier de notes ne doit pas être placé sur une étagère et y rester jusque l'année suivante, sans être révisé. La seule manière dont l'étudiant dispose pour bénéficier réellement est de revoir les informations passées de manière efficace. Ce sont donc les 10 points que le Shir a cités. En ce qui concerne les règles de bonne conduite dans la mosquée. Donc en fait, le premier point que nous a demandé de citer, donc le premier point que les dirigeants de la mosquée nous ont demandé de faire savoir au Toulab, c'est que nous interdisons formellement ou très strictement les boissons chaudes dans la mosquée. Pourquoi ? Parce que cela pourrait tâcher donc le tapis et ainsi de suite. Ensuite, il en est de même pour les nourritures. Toute nourriture chaude est interdite dans la mosquée. Ensuite, pour ceux qui vont dormir dans la mosquée, il y a des douches qui seront mises le matin à leur disposition. Donc, il faudra voir avec les responsables de la mosquée. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a des livres qui sont mis à disposition dans la mosquée. Il s'agirait pour ceux qui les utilisent de les remettre en place après les avoir utilisés. Et bien sûr, les livres ne doivent pas sortir de la mosquée. Ensuite, nous faisons savoir les Toulab que le matin, il y aura un petit déjeuner, Inch'Allah, gratuit. Ceci sera après le cours qui aura lieu après la salat Fajr, Inch'Allah. Ensuite, pour ce qui est des issues de secours, elles doivent rester libres. C'est-à-dire que en admettant qu'on est vraiment beaucoup, qu'on prenne vraiment, vraiment beaucoup de place, personne ne doit poser, par exemple, ses bagages ou ses couvertures devant les sorties de secours. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, s'il y a une urgence et qu'on doit sortir précipitamment, donc il ne faudrait pas que les couvertures ou bagages soient un obstacle pour ceux qui souhaitent sortir urgemment. Ensuite, pour ceux qui sont venus en famille et qui sont venus avec leurs enfants, on souhaite que chacun surveille son enfant du mieux possible. On sait que les enfants, voilà, ils sont petits, ils aiment bien jouer, tout ça, mais chacun doit prendre soin de son enfant, de sorte qu'il ne passe pas devant les prières ou qu'il ne se perde pas et qu'on ait à tous intervenir pour avoir à chercher un enfant, par exemple. Ensuite, un point très important aussi, ce serait de ne pas vendre. Pour ceux qui sont venus avec des marchandises, ce serait de ne pas vendre leurs marchandises pendant les cours. Pourquoi ? Parce que cela inciterait donc les Toulab qui sont venus de loin à ne pas assister aux cours, mais à passer leur temps à faire autre chose. Donc on laisse nos familles, on vient étudier un peu, prendre un peu de science, ce qu'on peut, et après on est distrait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vendeurs dehors. Donc ça c'est un très bon conseil que chacun devrait suivre. Les ventes seront faites pendant les pauses, Inch'Allah. De plus, on a mis à disposition pour ceux qui ont soif de l'eau que vous pouvez voir au fond de la mosquée. Donc c'est gratuit, chacun peut servir sans pour autant casser le matériel ou détériorer la mosquée en laissant tomber de l'eau par terre ou ainsi de suite. Et je pense que le dernier point, ce sera que le réveil au matin pour ceux qui vont dormir dans la mosquée, le réveil se fera 45 minutes avant la salat. Pour éviter tout embouteillage entre les Toulab par rapport à ceux qui prennent plus ou moins de temps, et ainsi de suite. Donc 45 minutes avant la salat, les lumières seront allumées et chacun sera réveillé, Inch'Allah. Donc, tout de suite, Inch'Allah, je pense qu'il est déjà 6 heures passées. Donc la daoura donc en langue française va commencer, Inch'Allah, par l'intervenant Mehdi Abou Abdirrahman. Et le titre de cette leçon sera « Bienvenue aux demandeurs de science ». Inch'Allah, qu'Allah nous augmente en science, Inch'Allah. Et nous espérons profiter le plus possible de cette daoura, Inch'Allah. Et on appelle vraiment, pour cette première vraiment, on demande vraiment aux frères d'avoir le meilleur comportement qui soit, Inch'Allah, pour pas qu'on ait à nous critiquer par rapport à nos comportements, Inch'Allah. Wa barakallahu fikoum wa salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc comme l'a rappelé notre frère Ibrahim, hafidahullahu ta'ala, wa barakallahu fih, le premier cours c'est sous le titre Marhaban bi talib al-ilm. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à tous mes frères et sœurs qui sont venus assister à cette première conférence francophone à la mosquée Salafi de Birmingham. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous en lui disant « Marhaban bi talib al-ilm ». Bienvenue à l'étudiant en sciences islamiques ou bienvenue à celui qui est venu demander la science de la religion. Je dis « Marhaban bi talib al-ilm » en prenant pour exemple notre prophète, alayhi salatu wassalam. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب. Je dis donc marhaban bi talib al-ilm. En prenant donc exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et la preuve de cela est le hadith de Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ardah. An Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ardah qala ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al-masjid. أو وهو في المسجد متكئ على برد له على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. Donc Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ardah dit, je me suis rendu chez le prophète alayhi salatu wassalam. Yani, je vous demande de bien être attentif parce que je vais interroger après inchallah, j'ai mis des cadeaux ici pour les frères yani, qui répondront correctement inchallah, hein? Et je vous demande de retenir les informations. Donc c'est qui le rapporteur du hadith ici? Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ardah. Il dit donc, je me suis rendu chez le prophète, alayhi salatu wassalam, afin de demander la science. Il était couché sur un manteau rouge à lui. Ala burdin lahu ahmara. Je lui dis alors, ô messager d'Allah, ya Rasulallah, je suis venu chercher la science. Je suis venu chercher la science. Il répondit, alayhi salatu wassalam, مرحباً بطالب العلم. Bienvenue aux demandeurs de science, aux talib al-ilm. Le hadith continue en disant, donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam continue en disant, les anges entourent le demandeur de science de leurs ailes et lui font de l'ombre. تحفه الملائكة بأجنحتها وتظله. Puis montent les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel terrestre, par amour de ce qu'ils demandent. Mahabbatan lima yatlub. Ce hadith est rapporté par Ahmed, rahimahullah, et At-Tabarani, rahimahullah, avec une chaîne de transmission bonne. Et la formulation du hadith ici, comme on dit, al-lafdu lahu, al-lafd li-Tabarani. Donc la formulation du hadith ici est rapportée par At-Tabarani, At-Tabarani. Il est rapporté également par Ibn Hibban, rahimahullah, qui l'a jugé sahih, authentique. Et Al-Hakim, rahimahullah, qui a dit sahih al-isnad. C'est-à-dire que sa chaîne de transmission est authentique, elle est sahih. Et ce hadith est rapporté également par Ibn Majah, rahimahullah, de manière résumée, comme on dit, bi-ikhtisar. Le hadith a été jugé hassan. Par qui ? Par l'éminent savant et la référence à la matière contemporaine, Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a jugé ce hadith hassan dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Hadith, je vous donne la référence, inshallah, pour les frères qui notent, et je conseille vivement Talib al-Ilm de noter. Le filet du pêcheur, en tout cas concernant le Talib al-Ilm, c'est quoi ? C'est le fait qu'il écrive. D'accord ? Je pense que vous trouverez très logique de ne pas partir à la pêche sans filet. D'accord ? Donc, nasiha de ma part, wa dinu nasiha. Il faut noter, les frères et ikhwa. Si vous n'avez pas de feuilles, on a des feuilles, alhamdoulilah, on a des stylos, on a tout ce qu'il faut. Yani, c'est très très important dans la science, très très important. Comme l'a dit le frère, d'ailleurs, il avait parlé du fait de revoir les notes. Comment on peut revoir les notes si on n'en a pas ? Donc, le hadith, comme j'ai dit, il a été jugé hassan par Cheikh Mohammed Nasir Din Albani, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Pour les frères qui n'ont pas de feuilles et pas de connoté, qui ne se gênent pas à demander aux frères ici, inshallah. Donc, comme on a dit dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, c'est le hadith numéro 71. Je vais utiliser la numérotation des Français pour pas. Chaque fois que je vais rapporter 71 et 71, on va une convention entre nous, c'est la numérotation française 71 et khalas, d'accord ? Donc, numéro 71, page 139. Volume 1 aux éditions Al-Ma'arif, dans un chapitre intitulé At-Targhibu fil ilmi wa talabih. At-Targhibu fil ilmi wa talabih. C'est-à-dire chapitre de quoi ? De l'incitation à la science et à sa recherche. Ce chapitre est l'un des sous-chapitres, donc ce bab est un des sous-chapitres du Kitab, du livre de la science. Kitab al-ilm. Qui est l'un des chapitres de quoi ? De At-Targhib wa At-Tarhib. Et vous avez d'ailleurs, c'est de qui le At-Targhib wa At-Tarhib ? C'est de l'imam Al-Mundiri, rahimahullah ta'ala. Et vous avez d'ailleurs la correction de Cheikh Al-Albani là-dessus qui est Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Cheikh Zayd ibn Hadi Al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, il nous dit, et c'est un cheikh avec qui, inshallah ta'ala, on a un cours demain en direct par téléphone à 20h30, donc juste avant le Maghreb, inshallah. Donc c'est un cheikh qui est encore vivant, qui est un cheikh contemporain et qui est parmi les étudiants de l'imam Al-Qara'awi, rahimahullah. L'imam Al-Qara'awi, rahimahullah. C'est lui qui a revivifié la da'wah salafia dans le sud de l'Arabie Saoudite. Cheikh Zayd ibn Hadi Al-Madkhali, hafidahullah, qui est un grand savant et qui était dans la même région que l'autre savant, qui était d'ailleurs le mufti du sud de l'Arabie, qui était, rahimahullah ta'ala, Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Zayd ibn Hadi Al-Madkhali, il dit qu'Allah le préserve dans son explication de Al-Juhd al-Mabdoul fi tanwir al-Uqul bi sharh manzumati wasilat al-husul ila muhimmat al-wusul al-usul. C'est quoi ce long titre ? C'est un poème de Al-Hafid al-Hakami. Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, il a fait un poème parmi ses nombreux livres dans Usul al-Fiqh. C'est un livre que vous pouvez trouver ici dans la mosquée, qui est en deux volumes, d'accord ? Et c'est un livre dans, donc, un poème dans Usul al-Fiqh. Et Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, il a expliqué, donc, comme j'ai dit maintenant, en deux volumes, il a fait son explication, elle est disponible, alhamdoulilah, ça a été édité, et elle est même ici disponible dans la mosquée pour les frères qui veulent jeter un coup d'œil, et pour les frères qui ont déjà cours avec moi pendant l'année, j'ai souvent fait référence, notamment dans les premiers cours qu'on a fait, sur l'importance dans Talab al-Ilm, on avait pris des références dans ce livre-là. Ala kulli hal. Et pour les frères peut-être qui ne connaissent pas le Hafid al-Hakami, rahimahullah, c'est un des grands savants contemporains qui était aussi un des élèves de qui ? De l'imam al-Qara'awi, rahimahullah. Et le Hafid al-Hakami, si vous étudiez son histoire, et Allah, c'est adib, ya ikhwa. Et ça motive à l'étude de la science. Al-Hafidh Al-Hakami, avec tout ce qu'il a écrit, toute la science qu'il a eue, il faut savoir qu'il est mort à l'âge de 35 ans, ikhwa. Hein? Moi, j'ai 33 ans dans 2 mois, c'est-à-dire 2 ans de plus que moi. Yani, c'est très jeune, subhanallah. Al-Hafidh Al-Hakami, yani, c'était, subhanallah, yani, quelque chose, subhanallah, de ajib. C'était quelqu'un vraiment de ajib. Hein? Rahimahullah, pour vous donner à titre d'exemple, il étudie le Coran en 1 mois. Il étudiait 1 juz du Coran par jour. Il étudiait et le soir, il faisait l'imam avec ce juz dans la salat al-tarawih. Hein? Ça, c'est pour nous donner la motivation et pour nous recadrer un peu par rapport à ce qu'on est nous-mêmes. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam, tawfiq ya ikhwa. Donc, Al-Hafidh Al-Hakami, rahimahullah, qui est ce grand savant qui est mort très jeune et qui a laissé malgré tout de nombreux ouvrages, il a fait un livre dans quoi on a dit dans Al-Usul, Usul Fiqh. Et c'est en poème. Et pourquoi les ulama ils font des poèmes? Pour faciliter quoi? Al-Hifd. Hein? D'accord? Et je vous conseille vivement de mémoriser ce poème. Hein? C'est un très beau poème dans Usul Fiqh. Et c'est une science qui aide à la compréhension de la religion. L'ilm al-Usul. Ala kulli hal, comme on a dit, donc c'est un poème dans Usul Fiqh de l'imminent savant Al-Hafidh Al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Zayd dit donc dans son explication de ce poème, hein, de cette mandouma fi Usul Fiqh, il dit, Hafidahullah, dans un passage de l'introduction du livre, comme on a dit qu'il consacre à quoi, et c'est pour ça que je l'avais cité dans mes cours ici à la mosquée, hein, il y a plus d'un an maintenant, qu'il consacre à Fadl Ilm. C'est-à-dire quoi? La préséance de la science et des gens de science. Et on va voir ça, inshallah, dans le hadith d'Abi Darda, radiallahu anhu arda, avec le charh de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Il dit donc en commentant ce hadith, donc Cheikh Zil bin Hadi al-Madkhali, il commente quel hadith? Hein? Le hadith de? Ça? De Safwan, hein? Ibn As-Salin al-Muradi. Safwan ibn As-Salin al-Muradi, d'accord, qui a été jugé quoi par qui? Qui a été jugé Hassan par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc il dit, en guise d'explication de ce hadith, il dit: Fanzur ya talib al-ilm, mada qadri al-ilm wa qadra talibihi fi mizan al-nubuwati al-mustaqim. Regardez cette parole de Cheikh Zayd, ya ikhwa. Hein? Ouvrez vos cœurs, ya ikhwa. Ouvrez vos oreilles, mais surtout ouvrez vos cœurs. Écoutez cette parole de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Fanzur, ya talib al-ilm, mada qadri al-ilmi wa qadra talibih, fi mizani al-nubuwati al-mustaqim, wa khudi al-qudwata, wa khudi al-qudwata, min hada al-khuluq al-nabawi al-karim, wa qul ala sabili al-dawam, marhaban bi talib al-ilm. Et c'est pour ça que je vous dis à tous, marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue à vous, ikhwa, dans cette mosquée de Salafi de Birmingham pour cette conférence. Donc Cheikh dit, marhaban bi talib al-ilm, qawlan wa fi'la. C'est pas de le dire qu'avec la langue, c'est avec les actions aussi. Et il va expliquer, Cheikh, pourquoi. Qul ala sabili al-dawam, marhaban bi talib al-ilm, qawlan wa fi'la. Wa'lam أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع ورحم الله القائل في هذا المعنى ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم يحفظ وصايا المصطفى بهم. Donc Cheikh Zayd al-Madkhali, حفظه الله تعالى, il nous dit, en guise d'explication de ce hadith, regarde donc, ô demandeur de science, ya talib al-ilm, hein, et qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Hein? Dites amin, ya ikhwa. Regarde l'étude de la valeur de la science. Hein? C'est-à-dire, pourquoi on s'est regroupé ici? Hein? Billah alaykum. Pourquoi on s'est regroupé ici? Pour l'ilm, ya ikhwa. Hein? Sallallahu azza wa jal ikhlas. Donc, Cheikh, il dit, regarde donc, ô demandeur de science. On est tous venus pour demander cette science ici, et certains d'entre vous sont venus de très loin. Et je vous assure que certaines histoires m'ont touché, subhanallah. Hein? Regarde donc, ô demandeur de science, regarde l'étendue de la valeur de la science. et la valeur de celui qui la demande, qui cherche à l'acquérir dans la balance juste de la prophétie. Fi mizan an-nubuwwati al-mustaqim, l'a dit le cheikh. Et prend exemple sur ce noble comportement. Et c'est pour ça que j'ai rapporté le verset sur, de Sourate Al-Ahzab, sur le fait de prendre exemple sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Et prend exemple sur ce noble comportement prophétique et dit de manière continue Marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue aux demandeurs de science. Dis bienvenue en parole et en action. Et sache que la parole seule n'est pas utile, n'est pas profitable si l'action ne lui est pas conforme. Donc qu'est-ce qu'il faut regrouper ? Il faut regrouper, parce que c'est facile de dire « marhaban ». Hein ? Avec l'a'mal, les ikhwa. L'a'mal. Il faut dire « marhaban », il faut agir « marhaban ». Hein ? Qu'Allah nous permette de prendre soin de vous et de vous dire vraiment « marhaban ». Il dit donc, l'action, la parole seule n'est pas utile, n'est pas profitable si l'action ne lui est pas conforme. Action par amour, an mahabbatin wa iqtina', par amour et en étant persuadé. An iqtina', ya ikhwa, an mahabba. Et qu'Allah fasse miséricorde, ici donc un bayt shi'ri, il dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a dit wa marhaban qul liman ya'tika yatlubuh. Dis bienvenue à celui qui vient à toi afin de la demander et préserve avec eux les recommandations du Mustafa alayhi salatu wassalam. Préserve avec eux les recommandations du Mustafa alayhi salatu wassalam les concernant. C'est-à-dire concernant qui ? Les demandeurs de science, tullabul ilm. Et le Mustafa, c'est évidemment qui ? Le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire celui qui a été choisi, istafahu Allah azza wa jal. Je dis donc à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, marhaban bi talib al-ilm. Les textes qui indiquent la préscience et la valeur de la science islamique et de ces gens sont nombreux. Nous pouvons citer parmi eux, à titre d'exemple, le hadith de Kathir ibn Qais. Premier raoui du premier hadith, c'était qui ? Je ne vais pas vous faire la méthode de Cheikh Mokbir, rahimahullah, je ne vais pas vous. Je vais vous dire, man indi su'al man qa'an, man sahibu wa qum anta. Je ne vais pas vous. Surtout le premier jour, le premier cours. On va apprendre à se connaître d'abord, inshallah. C'est qui le premier raoui ? C'est qui ? Safwan ibn Assal al-Muradi. Dans le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib et rendu hassan par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc, Cheikh ici. Ou plutôt si on cite un deuxième hadith, qui est le hadith de qui ? Kathir ibn Qais qui dit, en fait on va voir que c'est un hadith d'Abu Darda. Hadith Abu Darda. Mais c'est Kathir ibn Qais qui rapporte ça et qui dit, comme on va voir ici, Kuntu jalisan. Donc c'est qui parle ici ? C'est Kathir ibn Qais. Kuntu jalisan ma Abu Darda. Fi masjidi Dimashqa. Rien que ça suffit. Avec qui il était assis, subhan, regardez qu'il est assis, ya ikhwa. Avec Abu Darda. الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه. يلدي كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on va voir pourquoi il est venu. Il est venu pour un hadith. تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا. C'est un hadith que vous connaissez, hein, en tout cas peut-être la majorité d'entre vous certainement. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الله أكبر. رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كثير بن قيس كما نادي il dit j'étais assis avec qui avec Abu Darda رضي الله عنه أرضاه dans la mosquée de Damas في مسجد دمشق. Lorsque vint à lui un homme qui vient à qui à ça qu'il faut comprendre à Abu Darda qui vint à lui un homme qui dit oh Abu Darda ya Abu Darda je suis venu à toi de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Al-Madina, pour un hadith dont on m'a dit que tu rapportes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas venu pour un besoin. Il est donc venu pour quoi? Talab al-ilm, ya ikhwa. Il dit, c'est-à-dire Abu Darda, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui prend. Hein? Et pour tous les frères qui sont venus, et même qui sont venus d'ici, qui sont hein, qui habitent même ici à Birmingham, ils ont pris un chemin. Pour nous tous qui avons pris un chemin ici, yani, regardez, écoutez cette parole, vous allez voir la parole de Cheikh Al-Mohsin Al-Abbad qui est très forte vis-à-vis de ce hadith. Des fois, on fait des actions et on ne voit pas vraiment la portée de ces actions. Hein? Le fait de demander la science, c'est quelque chose de kabir, indallah azza wa jal. Et on va voir ça de manière plus claire, inshallah. Il dit, c'est-à-dire Abu Darda, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui prend un chemin pour demander la science, Allah lui facilite par cela un chemin. Parmi quoi? Parmi les chemins na'am du paradis, ahsant. Et les anges déposent leurs ailes en signe d'agrément du demandeur de science. Ridan, ridan, rida, et ikhwa. Et demande pardon pour le savant, tous ceux. Regardez ça, ikhwa. Regardez, Cheikh Azim, wallahi, ikhwa. Hein? Demande pardon, c'est-à-dire faut l'istighfar, wa huwa talabul maghfira. Et comme j'ai toujours aux frères dans mes cours ici à la mosquée, ya ikhwa, ihfadu al-ta'rifat, au ta'arif. Étudiez les définitions, ikhwa. L'istighfar, c'est quoi? Talabul maghfira, deux mots. L'istighfar, talabul maghfira. C'est-à-dire quoi? Le fait de demander al-maghfira. Le fait de demander pardon. Donc, et demande pardon pour le savant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et le poisson dans l'eau. Allahu Akbar. Et la préscience du savant, c'est le hadith qui continue, hein, et la préscience du savant sur l'adorateur est similaire à la préscience, hein, le fadl, de la lune. Lorsqu'elle est pleine, lorsque la lune est pleine, sur toutes les étoiles, sur les étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et les prophètes, alayhi salatu wassalam, ne laissent ni dirham, ni dinar en héritage. Mais ils y laissent quoi? En héritage la science, na'am. Celui qui l'apprend aura certes pris une grande portion. Ah, akhada bihadhin wa afirin. Et je me rappelle maintenant une parole de Cheikh Al-Fawzan. Hein? D'ailleurs, c'est un des livres que je vais offrir, Inch'Allah. C'est Sharh Al-Arba'in Nawawiyah de Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan, il dit, hein, regardez des fois, encore une fois, les actions, on les voit hein, moindres, peu, mais elles sont grandes, indallah azza wa jal. Il dit que le fait d'acheter un livre, ça rentre dans ce hadith. Hein? Pourquoi? Il dit, As-Suluk قسمان أو نوعان سلوك معنوي وسلوك حسي. Tu veux prendre un chemin, na'am, mais le fait de prendre un livre, ça rentre aussi là-dedans. Hein, d'acheter un livre, ça rentre le fait hein, de chercher la science, de prendre un chemin pour la science, ya ikhwa. Donc, ce qu'on disait, ce hadith a été rapporté au niveau du takhrij du hadith. Ce hadith a été rapporté par Abu Dawood al-Sijistani, que vous connaissez sûrement. Vous connaissez sûrement son livre, Sunan Abu Dawood. Qui fait partie de quoi? Del Kutub al-Sitta. C'est quoi le Kutub al-Sitta? Al-Bukhari, Eh, surtout les frères qui ont cours d'habitude avec moi. Hein. Bukhari, wa Muslim, wa. Hein, maintenant ça doit. Hein, Jumma, hein, Abu. Hein, hein, dans l'ordre. Hein, Abu Daoud, hein, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah. C'est-à-dire, hein, le Kutub Sitta, ikhwa. Abu Daoud, je l'ai cité après quoi? Après le Bukhari wa Muslim ici. Donc Abu Daoud, al-Sijistani, rahimahullah ta'ala. Ikhwa, n'oublie jamais nos ulama dans les du'as. Et hein, j'en profite que je m'en rappelle maintenant. J'ai eu au téléphone Cheikh Falah, Ibn Ismail Ibn Mindakar, hafidahullah ta'ala. Parce qu'on a, normalement, on devait avoir un cours par téléphone avec lui. Il est à l'hôpital, il s'est fait opérer, ikhwa. Hein, ne l'oubliez pas, dans vos du'as, hein, fais sujoud. Hein, dans tout, surtout dans l'awakat l'istijaba, hein, parmi awakat l'istijaba, le mercredi entre Dhuhr et l'Asr, il y a un hadith Hassan là-dessus, hein, la dernière heure de l'Asr, Yom al-Jumu'ah, entre l'Adhan et l'Iqama, Akhir Thulut al-Layl, al-Sujud, hein, etc. et d'autres, de faire du'a pour nos ulama, les vivants et les morts. Cheikh Fal Ismail, hafidahullah ta'ala, hein, pour les frères qui l'ont vu ici il n'y a pas si longtemps, quelques semaines, ils ont vu des tiges de métal qui traversaient sa jambe, ya ikhwa. Hein? Et Cheikh nous donnait cours jusqu'à une heure tardive la nuit. Hein? Donc il s'est fait opérer justement pour retirer. Et pour être honnête, je lui ai téléphoné et quand je voulais lui demander de faire cours et quand j'ai entendu sa voix, je ne lui ai pas parlé des cours. Hein? Je lui ai demandé comment est-ce qu'il allait. Alhamdulillah, j'ai entendu que sa voix était un peu fatiguée. N'oublie pas dans les doigts, ya ikhwa. Hein? Le Cheikh, il a été éprouvé, il a gardé ces tiges-là pendant plus de 2 mois, ya ikhwa. Hein? Et maintenant, il a une longue convalescence. Hein? Donc ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, hein, al-Sijistani rahimahullah, et d'autres que lui, et a été jugé sahih, authentique, par Cheikh Mohamed Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala, dans sahih Sunan Abi Daoud. Et vous voyez que souvent quand on cite un livre, on cite sahih de Cheikh al-Albani rahimahullah. Hein? Il y a plus des gens qui viennent quoi, qui viennent critiquer ce Cheikh là, wa li'adu billah. Hmm? Donc Cheikh l'Albani rahimahullah, dans Sahih Sunan Abi Daoud, hadith numéro 3641. Maintenant on a quoi? On a l'explication d'un autre grand savant qui est encore vivant, hein, qui fait partie des plus grands savants de notre époque et parmi l'élite des muhaddithin, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad hafidahullah ta'ala. Hein? Pour les frères qui ont l'occasion de faire la Umrah, ou faire le Hajj, qui ont l'occasion de s'asseoir avec lui, qui ont pu écouter ses durus, vous savez très bien de quoi je veux parler. Hein? Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, hafidahullah, il dit, hein, qu'Allah le récompense et le préserve, et qu'il lui donne le Firdaus Al-A'la, il dit dans son explication de Sunan Abi Daoud, cassette numéro 261. Donc c'est une explication de Sunan Abi Daoud, qu'il a fini d'ailleurs, hein. Et pour les frères qui le veulent, moi je peux le transférer, Inch'Allah, parce que je l'ai sur via en données informatiques, hein, sur mon ordinateur. Pour les frères qui veulent, Inch'Allah, on peut vous les donner, Inch'Allah. J'ai toutes les cassettes de Sunan Abi Daoud, Inch'Allah. D'accord, hein? Par le Firdaus al-A'la, comme on a dit, qu'Allah le récompense par le Firdaus al-A'la, il dit dans son explication de Sunan Abi Daoud, cassette numéro 261. Qala Abu Daoud, al-Sijistani rahimahullah, kitab al-ilm, bab al-hath على طالب العلم ثم ذكر الحديث بسنده. Donc Abu Daoud al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son Sunan, livre de la science, chapitre de l'incitation à la demande de la science. Regardez le titre du chapitre, ikhwa. Chapitre de quoi? De l'incitation à la science. Puis il a cité le hadith avec une chaîne de transmission, avec sa chaîne de transmission, d'accord, hein. Pour les frères qui veulent, ils ont. Sahih Sunan Abi Daoud, il est dans le fond de la mosquée sur l'étagère de gauche là-bas. Il dit donc, Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, Abu Daoud a dit, livre de la science, la science dont l'éloge est faite dans le Coran et la Sunna, et les savants dont l'éloge est fait dans le Coran et la Sunna, ce qui est entendu par là, c'est quoi? C'est la science de la législation islamique, la science de la religion de l'islam, ya ikhwa. Et les savants de la législation islamique. Puis il dit, ilm kitab illahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi salafu hadhihi al-umma هذا هو العلم المحمود الممدوح الذي أثني عليه وعلى أهله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est la science du livre, donc cette science dont est fait l'éloge dans le Coran et la Sunna et dont les gens est fait l'éloge dans le Coran et la Sunna, c'est qui, c'est quoi? C'est la science du livre d'Allah Azza wa Jal et de la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela la science et ces gens dont est fait l'éloge dans le livre d'Allah et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis cher continue en disant قد أورد أبو داود هذا الباب باب الحث على طلب العلم والترغيب فيه وقد أورد فيه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو مشتمل على خمس جمل كل جملة من هذه الجمل الخمس تدل على فضل العلم وأهله تدل على فضل العلم الشرعي وفضل أهله. Donc Abu Daoud, rahimahullah, il a rapporté ce chapitre et a commencé par ce chapitre. Chapitre de quoi? De l'incitation à la demande de la science et à sa sollicitation. C'est-à-dire en résumé de fait de quoi? De talab al-ilm. Il y a rapporté le hadith de Abu Darda. Donc quand vous regardez dans le Sunan Abi Daoud, vous ouvrez le chapitre, vous trouvez quoi? Le hadith de hadith Abi Darda. Et pourquoi on a dit hadith Abu Darda et pas hadith Abu Darda, c'est juste pour simplement pour une idafa, une règle de grammaire, D'accord? Hadith Abu Darda. Donc Abu Darda qui comprend 5 phrases. Je vais vous interroger après sur ces 5 phrases, inshallah. Dont chacune d'entre elles indique la préséance de la science et de ses gens. Elles indiquent la préséance de la science religieuse et la noblesse de ses gens. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas quitter la mosquée, ikhwan. أول هذه الجمل من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Donc la première phrase c'est quoi pour les frères qui veulent étudier en arabe, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به. C'est vrai qu'il y a une riwaya سهل الله به طريقا من طرق الجنة. Cheikh continue en disant, regardez l'istinbat de ma chère, regardez comment le cheikh il a tiré une règle de quoi? De ce hadith. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. وسوف نرى كيف ذلك. كما أن الإنسان عمله أنه سلك طريقا فجزاؤه أنه يسهل له طريق والجزاء من جنس العمل. العمل ما هو؟ سلوك طريق يلتمس فيه العلم والجزاء تيسير وتسهيل طريق يوصل للجنة وهذا يدل على فضل العلم وأن شأنه عظيم وفضله كبير وأن من سلك طريقا موصلا إلى العلم يجازى على ذلك بأن ييسر له الطريق أو السبيل التي توصل إلى الجنة. الطريق, et c'est juste de dire en arabe الطريق التي, يجوز فيه التذكير والتأنيث والأفصح التأنيث. الطريق التي, même si الطريق, pour certains frères ils savent pas que ça peut être féminin, d'accord, الطريق التي توصل إلى الجنة. هذه هي الجملة الأولى من الجمل. Donc c'était quoi la première phrase, la première de ces 5 phrases comprises dans le hadith de qui? Le hadith de Abu Darda. Celui qui prend un chemin pour acquérir la science. Allah, regardez le hadith comment il est. Celui qui prend un chemin pour acquérir la science, c'est quoi le jaza? Donc ça c'est l'amal. Et c'est quoi le jaza? Allah lui facilite par cela un chemin parmi les chemins du paradis. Donc on a quoi? Un amal et un jaza. On a une action et une récompense. Ahsant. Il y a là le fait que la récompense est du genre de la nature de l'action. Ça, c'est une règle dans le din. Mémorisez-la. Al-jaza min jinsi l'amal. 4 mots. Et vous avez une règle dans la religion. Al-jaza min jins al-amal. C'est-à-dire quoi pour les frères francophones, hein, si on la comprend en français, alhamdoulilah. Hein, c'est quoi? C'est que la récompense est du genre de la nature de l'action. Et on va mieux comprendre ce que ça veut dire, incha'Allah ta'ala. Comme l'individu, son action est de prendre un chemin, eh bien sa récompense c'est quoi? Hein? C'est qu'Allah lui facilite un chemin. Donc comme l'individu, son action est de prendre un chemin, sa récompense est alors le fait qu'un chemin lui est facilité. Et comme on a vu dans le hadith, un chemin vers quoi? Regardez, Al-Jannah, ya ikhwa, Al-Jannah. Al-Jannah, ya ikhwa. La récompense est du genre donc, la récompense est donc du genre de l'action. Al-Jaza min jins al-amal. C'est quoi l'action? On a dit cette action est prendre un chemin pour acquérir la science et la récompense est quoi? De faciliter une voie qui amène au paradis. Et ceci indique al-fadl, al-fadl, la préscience, wa sharaf, la noblesse de la science, et que sa position est haute et sa noblesse est grande. Et donc évidemment que ces gens ont cette position et ont cette noblesse. Et que celui qui prend un chemin qui l'amène à la science est récompensé par le fait que lui soit facilité la voie et le chemin qui l'amène au paradis. Al-jaza min jinsi al-amal. Ceci est donc la première des cinq phrases comprises dans ce hadith. Donc c'est quoi la première phrase? Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan min turuq al-jannah, hein, ou ila al-jannah. C'est-à-dire quoi? Wa fihi anna al-amal min ou al-jaza min jinsi al-amal. Donc c'était quoi la première phrase? C'est que celui qui prend un chemin pour acquérir la science, eh bien Allah Azza wa Jal, il lui facilite par cela un chemin pour accéder au paradis. Et donc on a tiré une règle de ça, c'est quoi? Al-jaza min jins al-amal, c'est que la récompense est du genre de l'action. La deuxième phrase, al-jumla thaniya. Wa innal mala'ikata la tada'u ajnihataha li talib al-ilm. ووضع أجنحة الملائكة لطالب العلم قيل إنها كونها تتواضع له وتخضع وتحرص على أن تحيط وتحضر تلك المجالس الخيرة الطيبة المجالس التي تحضرها الملائكة وهي مجالس العلم وقيل إنها تضع أجنحتها معناه أنها تنتهي من طيرانها وسيرها وأنها تقف عنده وتحضر ذلك المجلس وهو مجلس الذكر ومجلس العلم وهذا يدل على فضل العلم وعلى فضل أهله وعلى فضل مجالس العلم. La deuxième phrase, que les anges déposent leurs ailes pour le demandeur de science. Il a été dit sur le fait que les anges déposent leurs ailes pour le demandeur de science, que c'est par modestie. Que c'est par modestie des anges envers le demandeur de science et par humilité envers lui. Et qu'ils désirent ardemment entourer et assister ces bonnes et excellentes assises. Regardez, ya ikhwa. Hein? Regardez le fadl de ces assises-là, ya ikhwa. Les assises auxquelles les anges assistent, et ce sont les assises de science. Il a été dit également sur le sens qu'ils déposent leurs ailes, qu'ils arrêtent de voler, et leur parcours et s'arrêtent auprès du demandeur de science. et assiste à cette assise qui est l'assise du rappel, l'assise de la science. Ceci indique quoi? La noblesse de la science et la noblesse de ces gens et la préséance des assises de science. Donc on avait vu la première, c'était quoi la première phrase? Man salaka tariqan yaltimisu fi ilman salaka Allahu bihi turuqan min ou tariqan afwan min turuq al-jannah. La jumla thaniya c'était quoi? Wa inna al-mala'ikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilm. Hein? La jumla thalitha an al-'alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wal-ard hatta al-hitan fi jawfi al-ma'. Cheikh Al-Abbad il dit hafidhahullah en guise d'explication de cette troisième phrase: هذا شيء عظيم كون هذه المخلوقات العظيمة العلوية والسفلية السماء وما فيها من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى والأرض وما فيها من دواب وحيوانات في البر والبحر كلها تستغفر لطالب العلم. يعني هذا شيء عظيم هذه العوالم الكثيرة والخلائق الكثيرة في السماوات وفي الأرض هذا شأنها مع طالب العلم تستغفر له وتدعو له يعني هذا شيء عظيم. السماء فيها من الملائكة ما لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. البيت المعمور وهو في السماء السابعة وهو فوق الكعبة وهو محاذي للكعبة ولو سقط لسقط عليها يدخل فيه يوميا 70,000 من الملائكة ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى. وهذا يدل على كثرتهم خلق عظيم خلق كثير كل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم ويدعون له هذا شرف وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى للمشتغل بالعلم للمشتغل بعلم الشريعة علم الكتاب والسنة علم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل أن هذه الدواب تستغفر لطالب العلم لأنه يشتغل بشيء يعود عليها نفعه يعود عليها فائدته. وذلك لأن العلم الشرعي فيه الرفق بهذه الحيوانات هذه الدواب وكذلك الحث على الإنفاق عليها من أن يكون مالكا لها فيصل إليها نفع العلم ونفع طالب العلم لأنه يظهر الشيء الذي يعم نفعه حتى يصل إلى هذه الدواب وهذه المخلوقات. Je sais que c'était un peu long pour les frères francophones, mais c'est pour mieux traduire, Inch'Allah, après, pourquoi pas, hein, pour tout faire en une fois, Inch'Allah. La troisième phrase que comprend ce hadith, on avait dit qu'il y avait cinq phrases. Hadith de qui? De Abu Darda, hadith Abi Darda, dans Sunan Abi Daoud. Que tous ceux qui sont dans les cieux, écoutez cette partie-là, que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même le poisson dans la mer, demande, na'am, font l'istighfar, demande pardon. Font l'istighfar pour le savant. Cheikh dit, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, c'est quelque chose de sublime. Que toutes ces créatures dans les cieux et sur la terre, avec tous ceux qui se trouvent dans les cieux comme anges, ne connaissent leur nombre qu'à Allah. Et la terre, et ceux qui s'y trouvent comme animaux, créatures dans la mer et sur terre. Maintenant, billah alaykoum, en sachant cela, où est-ce qu'on est nous par rapport à ce hadith? Nous tous, où est-ce qu'on est nous par rapport à ce hadith, ya ikhwa? Wallah, mis'ala tawfiq, ya ikhwa. Sallah azza wa jal tawfiq. Yassan yasta'in billah azza wa jal, yatlub tawfiq min Allah azza wa jal. Où est-ce qu'on est nous par rapport à ça, ya ikhwa? Où est-ce qu'on est par rapport au Qur'an, hifd le Qur'an? Où est-ce qu'on est par rapport à Hifd Sunnah? Où est-ce qu'on est par rapport à Hifd Moutoun? وانا بارابور ا تعلم اللغه العربيه يا اخوه التي هي مفتاح العلم مفتاح باب العلم اون فيغونت خلا دون اون ميزون سانز افور لا كلي سبحان الله سي با بوسيبل يا اخوه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ce sans quoi et c'est une règle que je vais citer dans cette daura inchallah plus tard ce sans quoi tu ne peux pas arriver à t'acquitter d'une obligation ça devient par là une obligation والوسائل لها حكم الغايات وهي علم الاصول hein et les moyens ils ont le jugement des buts ya ikhwa moi والله je vous dis ça en guise de nasiha ya ikhwa la nasiha dans la langue arabe comme l'a dit Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala dans un des cours qu'on a vu ici dans la mosquée dans les 21 hadiths vous souvenez les frères hein ça vient de quoi mena النصح c'est-à-dire que quoi اذا خاط الرجل ثوبه c'est-à-dire quoi quand tu as un trou dans ton vêtement et tu le reprends le vêtement c'est ça la nasiha c'est de là que ça vient c'est-à-dire quoi tu corriges un défaut une imperfection j'ai dit ça mais inchallah il faut essayer que tous on garde ça en tête ya ikhwa que cette daura elle nous change Surtout nous, Ahl Sunnah, Al-Salafiyoun, Ahl Al-Hadith, Ahl Sunnah Wal-Jama'a. Comme l'a dit Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah, dans un des cours. Regardez cette parole, ya ikhwa. Min khasa'is al-firqa al-najiyah, hirsuhum ala talib al-ilm al-shar'i. Écoutez cette parole, ya ikhwa. Parmi les spécificités, parmi... الخصائص لسبيسيفيسيتي دي جروب سوفي الحرص ها الحرص على كو على الدنيا نو يا اخوه على العلم على جمع العلم الشرعي ها لسبيسيفيسيتي ديال اهل السنه والجماعه parmi leur spécificité c'est quoi leur attachement à la science يا اخوه et c'est vrai subhanallah quand vous trouvez des endroits où il y a des frères salafis qui ont bien compris le manhaj Ils sont dans le talab. Ils sont dans le talab, ya ikhwa. Et talab, ça commence par hifdh le Qur'an, ya ikhwa. Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit que les actions sont basées sur un amour. Comment est-ce qu'on aime le Qur'an, ya ikhwa? Qu'est-ce qui fait la différence entre hafdh le Qur'an et quelqu'un qui n'est pas hafdh le Qur'an? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui rend le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, أهل القرآن أهل الله وخاصته quelqu'un qui ne rentre pas dans ce hadith الحرص يا إخوة l'attachement le désir ardent jour après jour et si tu as fini حفظ fais ورش يا أخي hein, si tu as fini ورش fais une قراءة pourquoi pas en sachant que ça ne rentre pas dans les hein, ça rentre dans la spécialité على كل حال الإنسان يحفظ القرآن الإنسان يحفظ القرآن يا إخوة يحفظ السنة aussi on dit qu'on aime le Coran où est-ce qu'on est par rapport à ce Coran on dit qu'on aime la Sunna combien de hadiths on connaît ya ikhwa combien de hadiths ya ikhwa combien d'années on va rester dans l'arba'in nawawiya en sachant qu'alhamdulillah c'est pas hein? c'est lui qui le fait khair wa fadlun wa shay'un azim Surtout les hadiths, surtout les 42 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah. Hein? Si tu as fini les 42 hadiths, ya akhi fillah, termine les 50 avec les 8 d'Ibn Rajab, rahimahullah, qu'il a rajouté pour finir 50. Ibn Rajab, il a fait un charh de ces 50 hadiths-là. Il a appelé Jami'ul ilm wal hikam. Hein? Et Cheikh al-Muhsin al-Abbad, son explication des 40 hadiths Nawawi, ce n'est pas une explication des 42 hadiths de l'imam Nawawi. C'est des 50 hadiths. Le livre de Cheikh al-Muhsin al-Abbad, c'est les 42 hadiths plus les 8 qu'Ibn Rajab il a rapporté. C'est pour ça qu'il dit Sharh al-Arba'in wa tatimmat al-Khamsin. L'imam Nawawi wa l'imam Ibn Rajab, Rahimahumallah, il a dit Cheikh. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux. Et quand vous regardez le Sharh du hadith, il fait 50 hadiths, pas 42 comme l'imam Nawawi l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a fait les 42 plus les 8 que Ibn Rajab il a rajouté. Qui sont mes jawami à Kalimi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwa, wallah, je vous dis une nasiha, et ça me concerne à moi en premier aussi, ikhwa. Hein? Un nasiha, ikhwa, wa din nasiha. Hein? Et c'est ce qui nous manque beaucoup, ya ikhwa. An-nasiha. Hein? Tous demandent donc pardon pour le demandeur de science. Ceci est une chose immense. Ces nombreux mondes, ces nombreuses créatures dans les cieux et sur la terre. Voilà leur situation à l'égard du demandeur de science. Elles demandent donc pardon pour lui et invoquent pour lui. Ceci est une chose immense, Cheikh Idli. Hada shay'un 'azim. Ne connaît le nombre des anges dans les cieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bayt al-Ma'mour, qui se trouve dans le septième ciel, qui se trouve au-dessus de la Kaaba. Et s'il tombait, il tomberait sur elle, comme dit Cheikh Mohsin al-Abbad. Il rentre 70 000 anges par jour. Et celui qui y entre une fois n'y rentrera plus. La yatroulu fihi marratan ukhra, comme il a dit le Cheikh ici. Ceci indique quoi donc? Leur grand nombre. De nombreuses créatures. Toutes demandent quoi? Pardon. Elles font l'istighfar, ya ikhwa. Hein? Gardez ça en tête. Hein? Pour vous motiver pour talab l'ilm, ya ikhwa. Hein? De nombreuses créatures, toutes demandent pardon pour le demandeur des sciences et invoquent pour lui. Ceci est bila shak, wala raib, sans aucun doute, une préséance, un fadl et un grand honneur. Hein? Wa sharafun azim, donné par Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui s'occupe avec la science religieuse. La science de la législation islamique. La science du Coran et de la Sunna. La science de Allah a dit, son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons ont dit. Hein? Et pour les frères qui connaissent peut-être nous, Niyad ibn al-Qayyim, ça leur rappelle une parole très connue de Niyad ibn al-Qayyim. Al-ilmu qala Allah wa qala al-rasul wa qala al-sahabat wa hum ulul irfani. Il a akhir al-bayt. Il a dit que ces créatures font al-istighfar. Demande pardon pour le demandeur de science. Car il s'occupe avec quelque chose dont le bien revient sur ces créatures, ces animaux. Regardez. Donc le talib ilm, il fait quoi? Il s'occupe avec une chose dont le bien revient sur les animaux. Et sur ces créatures. Car il y a dans la science religieuse le fait d'être doux avec les animaux. Et l'incitation à dépenser pour elles ou pour eux en devenant leur propriétaire. Le bienfait de la science revient alors sur ces animaux. Et également le bienfait du demandeur de science, car il montre, il expose quelque chose dont le bienfait est général. Et revient sur ces animaux et ces créatures. Al-Jumla al-Rabi'a, la quatrième phrase. Fadlu al-Alimi ala al-Abidi. Yani chacune de ces phrases, elle suffit. Hein? Fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylat al-badri ala sa'iri al-kawakibi. Al-alimu fadluhu ala al-abidi ka fadli al-qamari laylat al-badri ala sa'iri al-kawakibi. Fi waqt al-ibdari alladhi huwa al-rabi'atu ashar ou al-khamisatu ashar. Al-kawakibu laha daw'un. لكنها بعيدة أمام ضوء القمر فالفرق بين العالم والعابد أن العالم شأنه كشأن القمر والعابد شأنه كشأن الكواكب وذلك أن العابد نفعه قاصر عليه لا يتعداه إلى غيره الذي يصلي ويكثر الصلاة ها؟ لكن الذي يشتغل بالعلم يتعلم ويعلم ويرشد ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر العلم له ولغيره الصلاة للمصلي وحده العلم لصاحبه ولغيره فنفعه متعد الصلاة نفعها قاصر على صاحبها ولهذا فضل العالم على العابد كفر القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. La quatrième phrase donc de ce hadith. La préscience du savant sur l'adorateur est similaire à la préscience de la lune, une nuit de pleine lune sur les étoiles. Allahu Akbar. Hein? Le savant, sa préscience sur l'adorateur est similaire à la préscience de la lune, une nuit de pleine lune sur toutes les étoiles. La pleine lune qui est le 14 ou le 15 du mois, les étoiles ont une lumière, mais elle est lointaine par rapport à la lumière de la lune. La différence entre les savants et l'adorateur est que le savant, sa situation, sa position est identique à celle de la lune. Et l'adorateur, ce qu'on appelle l'abid, hein, sa position est identique à celle des étoiles. Attention, comme disait le Mashiach, ça peut être que l'abid n'a pas de science. Mais la science qui lui, hein, une science limitée qui lui suffit. Ce qui n'arrive pas au degré d'alim. Hein? L'adorateur, donc comme on a dit, je répète la phrase, la différence entre les savants et l'adorateur est que le savant, sa situation, sa position est identique à celle de la lune. Et l'adorateur, sa position est identique à celle des étoiles. Car le bien de l'adorateur est limité à lui-même et ne touche pas autrui. Ne touche pas autre que lui. Il prie beaucoup, tandis que celui qui s'affaire à la science religieuse, il apprend et enseigne et oriente et dirige. Il ordonne le bien et interdit le mal. Sa science est pour lui et donc pour autre que lui. La prière est pour celui qui prie uniquement. La science est pour celui qui la détient et autre que lui. Son bienfait ne se limite donc pas à lui seul. Tandis que le bienfait de la prière est limité à celui qui se prie. Et pour cette raison, la préscience du savant sur l'adorateur est similaire à la préscience de la lune sur les étoiles. Al-Jumlatul Khamisa, la cinquième phrase et la dernière phrase du hadith. Yaqawluhu sallallahu alayhi wa sallam, inna al-ulama warathatul anbiya, wa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadahu akhada bihadzin wafirin. Cheikh al-Masih al-Abbad yaqul hafidhahullahu ta'ala sharihan lihadhihi al-jumla, fasharafuhu azim an yuqala 'ala al-ulama annahum warathatul anbiya. أن يوصفوا بأنهم وراث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا المال ولم يرسلوا لجمع المال عليهم الصلاة والسلام وجمعه لأقاربهم الوارثين، بل المال لا يورث عنهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن فميراثهم واسع مبذول لكل أحد، ليس للأقارب دون غيرهم، ولكن لكل أحد مبذول. فمن أراد أن يحصل العلم وهو في الطريق سالك فما عليه إلا أن يقدم، تسجل نصيحة الشيخ سي، أن يقدم ويحرص على أن يحصل على نصيب من الميراث. يا دي إخوة، c'est quoi, c'est l'héritage du prophète عليه الصلاة والسلام. نصيب من الميراث الذي هو ميراث النبوة، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالعلم النافع، والعلماء هم الذين يرثونهم ويتلقون ذلك الميراث ويحافظون عليه ويعنون به وينشرونه ويبذلونه ويعملون بما فيه. فقبحا لمن يطعن فيهم. Ça, c'est pas une parole de Cheikh Al-Abbad, c'est moi qui le dis. Hein? Honte, ya ikhwa, à celui qui les critique. Honte à celui qui parle sur eux, ya ikhwa. On a khcha alayhi, sarahatan. On a peur pour lui. Wa yad'un an-nas lil'amali bima fih. Hada wa sha'nu al-ulama. Wa idan fal-anbiya'u alayhim as-salatu was-salam laysa mirathuhum li'aqaribihim wa innama 'amun likulli ahad, li'anna al-mala la yurathu 'anhum, innama yurathu al-'ilmu. يورث عنهم الحق والهدى، هذا هو الميراث، وهو مبذول لكل أحد. écoutez cette phrase. وهو مبذول لكل أحد، وطريقه لكل أحد ولا يختص به أحد دون أحد. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحاصل أن هذا حديث عظيم يشتمل على 5 جمل كل واحدة منها تدل على فضل العلم وأهل العلم. La cinquième phrase du hadith, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: les savants sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam. Et les prophètes alayhi salatu wassalam n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar. Ils n'ont laissé en héritage que la science. Celui qui l'apprend aura certes pris une grande portion. Hadhin wafirin. Hein? Et vous voyez, je crois que ce qu'on fait ici entre nous ici, c'est qu'un taqrib lil ma'ani en français. Hein? C'est ce que j'ai toujours dans mes cours. C'est juste une traduction, on vous rapproche les sens un petit peu. Ça n'a pas la même force que la parole du cheikh en arabe, je crois. Et je dis toujours aux frères qui sont ici dans les cours, je crois, allez, qu'on met l'arabiya. C'est la nasiha d'ailleurs, hein? De Omar ibn Khattab, le khalifa du thani, le Farouq, il a dit, allez, qu'on met l'arabiya, fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. Hein? Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'en attendant, on est annoncé entre nous, en attendant déjà apprendre. Et par ces cours, on apprend un peu la langue arabe aussi. Hein? Et c'est le fait de prendre par la langue arabe directeur de ma chère, c'est aussi le fait de prendre par Sanad al-A'la. Hein? Parce que vous dépendez, ya ikhwa, de la compréhension du traducteur. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, ya ikhwa. Il y a ni quelqu'un qui assiste à un cours fait par un frère qui est traduit, il dépend quelque part de sa traduction, et donc de sa compréhension. Et que notre compréhension, elle reste quoi? Limitée par rapport à ce que, hein? La compréhension des mashaykh, évidemment. Hein? Ça ne nous empêche pas, alhamdoulilah, d'organiser des conférences en français, d'organiser des cours en français. Hein? Alhamdoulilah, ça fait plus d'un an qu'on a des cours ici en français, ils sont disponibles sur notre site. Vous pouvez demander aux frères après qui sont ici, Inch'Allah. Ils vous donneront l'adresse internet, Inch'Allah, etc. D'accord? Walakin, toujours, c'est quoi? La langue arabe. L'asl, c'est ça. La langue arabe. Prendre la science dans la langue arabe. Et directement d'Ahl al-ilm. On a dit donc quoi? Que la noblesse de la science est grande, qu'il soit dit sur les savants qu'ils sont les héritiers des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Qu'ils soient décrits comme étant les héritiers des prophètes, alayhi salatu wassalam. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, n'ont pas laissé d'argent en héritage. Ils n'ont pas été envoyés pour ramasser de l'argent, ni pour l'amasser pour leurs proches héritiers. L'argent n'est pas hérité d'eux, alayhi salatu wassalam. Et pour preuve de cela, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, nous les prophètes, on n'hérite pas de nous. Ce que nous laissons est une